Est-ce que vous êtes en forme? J'entends rien, est-ce que vous êtes en forme? Il y a du monde, hein. On est content. On voit qu'on n'a pas envie de travailler jusqu'à au moins 68 ans, n'est-ce pas? Nous allons demander à chaque représentant syndical de se rapprocher du camion afin de faire les différents discours. Donc, rendez-vous à chaque représentant syndical pour le discours contre cette réforme des retraites. Cette réforme est injuste et suscite de la colère chez de nombreux salariés. C'est une des raisons du succès de la grève du 19, car les raisons d'être en colère sont nombreuses. Les salaires qui stagnent alors que les prix augmentent pour tout, se loger, se nourrir, se chauffer, faire le plein. Les conditions de travail se dégradent de plus en plus et le manque de personnel se fait ressentir. Les suppressions de postes sont en train d'arriver. Le nombre de tâches à effectuer qui se multiplie et la pression au boulot augmente pour tous les salariés. Et on nous dit qu'il va falloir travailler 2 ans de plus avec la perspective d'une pension encore moindre. En cause, en raison de la hausse du nombre de trimestres. Mais de qui le gouvernement se moque-t-il? Pour les salariés, la coupe est pleine. Ce n'est pas à nous de payer la crise économique. Alors que de l'autre côté de la société, les profits n'ont jamais été aussi importants. Et les entreprises du CAC 40 continuent de distribuer des dizaines de milliards d'euros à leurs actionnaires. Le gouvernement veut augmenter son budget militaire de 100 milliards d'euros pour les années 2024-2030. Cela va enrichir un peu plus les marchands de canons. Voilà pourquoi le gouvernement veut faire des économies sur les dépenses publiques et les retraites, pour augmenter le budget militaire et continuer sa politique de cadeaux fiscaux, envers les grands groupes et les plus fortunés. Il faut d'ores et déjà penser à préparer les suites de ce mouvement. Ce fameux déficit futur qui, pour le gouvernement et le MEDEF, justifierait la réforme est un leurre. Il pourrait facilement être comblé. D'ailleurs, les solutions existent déjà. La fin des cadeaux fiscaux aux plus riches ou l'arrêt des allègements des cotisations sociales. Mais également la taxation sur les revenus des produits financiers, l'augmentation des salaires et l'égalité hommes-femmes pour les salaires. Mais le gouvernement et le MEDEF ne veulent pas en entendre parler. Alors oui, il faut poursuivre et intensifier les grèves et les mobilisations pour créer le rapport de force nécessaire pour obtenir le retrait de cette réforme. Cette journée de grève et de manifestation est une nouvelle étape dans la construction du rapport de force nécessaire pour obtenir le retrait de ce projet. Il faut d'ores et déjà penser à préparer les suites de ce mouvement. Ce soir, l'intersyndicale fera une annonce. Il nous faut nous tenir prêts pour les prochaines mobilisations. Il nous faut agir pour étendre la grève autour de nous. Il nous faut organiser sur nos lieux de travail pour préparer la prochaine grève et pour mobiliser le plus massivement possible. L'intersyndicale CGTFO, FSU, Solidaire, UNSA, CGC, CFDT, CFTC exige le retrait de cette réforme et mobilisera pour l'obtenir. Pour les organisations de CGT, FSU, Solidaire, FO, non seulement nous voulons le retrait de cette réforme, mais nous voulons également le retour aux 60 ans pour l'âge de départ et le retour aux 37,5 annuités pour tous, publics comme privés. Alors, chers camarades, bonne manifestation à toutes et tous. Cette journée est un début, il faudra continuer le combat. Vive la France !